L'islamisme, d'après le Coran par M. Garcin de Tassy. Exposition de la foi musulmane. Davis. Les vices dont il faut s'attacher à purifier son cœur sont, le jugement téméraire contre les fidèles, c'est-à-dire qu'il ne faut point penser, d'après une preuve légère, que quelqu'un a commis une désobéissance à la loi, ou une mauvaise action, mais au contraire on doit, autant que possible, interpréter tout en bien. L'hypocrisie, vice qui consiste à ambitionner les biens du monde au moyen de la dévotion. Il faut surtout se garder de lire la parole de Dieu, le Coran, pour un salaire. L'envie, vice qui consiste à désirer que quelqu'un perde des biens dont il connaît la valeur et dont il fait un bon usage, que ces biens soient de l'argent, de la science, de l'autorité, des emplois, de la santé, des enfants. Mais si le possesseur de ces biens n'en connaît pas la valeur, souhaiter qu'il les perde n'est point envie, c'est zèle. Par exemple, désirer que quelqu'un qui serait fort riche et qui emploierait ses richesses à des actions criminelles, ou qu'un autre qui serait très savant et qui emploierait sa science à se procurer de l'argent et des places administratives. Désirer, dis-je, que ces personnes perdent leur argent et leur science, dont ils font un mauvais usage, c'est une chose permise. Il est aussi permis de souhaiter d'avoir les mêmes avantages qu'un autre sans désirer que cet autre perde ceux qu'il possède. On nomme ce sentiment émulation. L'orgueil, vice qui consiste à se considérer comme meilleur qu'autrui, c'est le vice de Satan, qui dit « Je suis meilleur qu'Adam ». On ne saurait trop se prémunir contre ce vice. La complaisance pour soi, ce qui consiste à considérer ses œuvres et sa piété comme provenant de soi-même, sans faire attention qu'elles n'ont lieu que par la grâce et par la bonté divine. La haine, vice qui consiste à avoir de l'aversion et à être fâché contre quelqu'un au sujet de choses temporelles. Mais si l'on n'aime pas cette personne parce qu'elle aurait commis des injustices, qu'elle aurait fait des actions irréligieuses ou contraires à la loi, la haine devient alors louable, et se nomme colère en Dieu. L'amour du monde, vice qui consiste à désirer de jouir des plaisirs que ce monde nous offre, et à faire des efforts pour augmenter ses jouissances désirées. Ce vice est le principe de tous les péchés. Le monde est le séjour du malheur, espérer y prendre du plaisir, c'est folie. Les vraies jouissances ne seront que dans le ciel. C'est vers cette habitation qu'il faut diriger tous les désirs de son cœur. L'amour du commandement. Ce vice consiste à souhaiter, dans des vues purement humaines, d'avoir une place importante, telle que celle de qazi, juge, de professeur, de vaïz, prédicateur, etc. Mahomet, l'ami de Dieu, a dit que pareilles vues ambitieuses portent à la vertu de quelqu'un plus de dommages qu'un loup affamé n'emporte parmi des moutons. L'espoir exagéré. Il consiste à se persuader que l'on vivra longtemps, et à aimer à vivre beaucoup pour jouir des plaisirs du monde. Mais il est permis de désirer une longue vie pour exercer plus longtemps les actes de piété. Suivre aveuglément les passions du cœur, vice qui consiste à faire tous ses efforts pour acquérir ce que l'âme désire en fait de mets, de vêtements, d'édifices, de femmes, etc. Craindre la pauvreté, être chagrin des décrets de Dieu, aimer et désirer les louanges et les félicitations, se fâcher par rapport à des choses temporelles. Enfin, il est indispensable d'éloigner de son cœur l'opiniâtreté, vice qui consiste à connaître la vérité, à la repousser, et même à regarder comme un opprobre de l'admettre, l'avidité, la gourmandise, l'avarice. Il ne faut pas non plus honorer les riches pour leur richesse, mépriser les pauvres, chercher à connaître les fautes cachées du prochain, manquer de bonne foi à l'égard d'un dépôt, tromper quelqu'un, ni chasser de son propre cœur la crainte et la terreur de l'autre vie. On ne doit jamais perdre de vue les motifs qui nous font un devoir de fuir les vices, et l'on sentira combien il est essentiel d'en purifier son cœur. Toutefois, cela ne suffit pas, il faut encore travailler à acquérir les vertus opposées aux vices dont on se sera corrigé. Des vertus. Les vertus dont on doit s'appliquer à orner son cœur sont la patience, c'est-à-dire supporter les événements fâcheux, les peines, les maladies et les accidents, sans s'en affliger ni s'en plaindre à personne. S'abandonner à Dieu, c'est-à-dire s'en remettre absolument à lui pour tout. Lorsqu'on désire obtenir de Dieu une grâce, pourvu que l'objet en soit bon, il faut dire, « Ô mon Dieu, daigne m'accorder cette grâce », évitant avec soin de s'exprimer d'une manière impérative. La reconnaissance envers Dieu, c'est-à-dire reconnaître les bienfaits du Très-Haut, et lui offrir en retour nos adorations et nos hommages. L'expression de la reconnaissance consiste proprement à confesser qu'il nous est impossible de rendre à Dieu des actions de grâce dignes de lui. La crainte de Dieu, l'espérance en sa miséricorde, la résignation à sa providence, l'aversion pour les vanités du monde. User le moins possible des plaisirs de la vie, être généreux, confesser que tout dépend de la grâce de Dieu, se livrer en conséquence sans orgueil à l'exercice des vertus, se souvenant qu'on ne les pratique que par un effet de la bonté de Dieu. La sincérité, c'est-à-dire pratiquer le bien, dans la seule vue de plaire à Dieu, sans y mêler aucun intérêt temporel ni mondain. La confiance, c'est-à-dire s'appuyer sur Dieu pour tout ce qui concerne la subsistance, et non point sur son propre travail, sur ses richesses, sur ses forces, sur le quasi-esquer, etc. Note. Les fonctions de quasi-esquer, mot qui signifie proprement juge d'armée, mais que l'on pourrait traduire par grand juge, ou même par ministre de la justice, sont les plus éminentes de la magistrature ottomane. Il n'y a que deux quasi-esquer, celui de Roumélie et celui d'Anatolie. Voyez le tableau de l'Empire ottoman, tome 5, page 550 à 555. Fin de la note. L'humilité, qui consiste à se regarder comme inférieur à tous. Donner de bons conseils, toujours bien penser d'autrui, pardonner les manquements auxquels on aurait été exposé, résister au désir de la concupiscence, s'occuper de ses propres fautes, détourner son attention de celle d'autrui, se rendre à la vérité. Ne point considérer comme une honte de reconnaître ses fautes, sans repentir, c'est-à-dire en être fâché, et former, avec la crainte de Dieu, la résolution de n'en plus commettre dorénavant aucune. Si l'on a fait quelque tort au prochain, il faut le réparer. Si l'on a omis un devoir envers Dieu, il faut le remplir ou se soumettre à une peine expiatoire. Il faut aussi remplir ce qu'avait manqué d'observer celui qui est mort, et se soumettre aux peines expiatoires auxquelles il aurait manqué de se soumettre. On doit enfin s'attacher fortement à la piété, car rien n'est au-dessus de cette vertu, et sans elle les meilleures actions ne sont point agréables à Dieu. La piété consiste à éviter avec le plus grand soin de commettre des fautes, Ceux qui désirent l'acquérir doivent garder des péchés leurs sept membres, de crainte qu'ils ne deviennent pour eux les sept portes de l'enfer. Ces sept membres sont les oreilles, les yeux, la langue, les mains, les pieds, le ventre et les parties sexuelles. Péché des différents membres. Premièrement, il faut d'abord se garder des péchés qui ont lieu au moyen de l'oreille. Ainsi, il ne faut écouter aucun instrument de musique, ne point prêter l'oreille aux mensonges, à la médisance, à des discours obscènes, ne point entendre chanter des prières, le Coran, des vers, etc. Note. Les musulmans, observateurs fidèles des pratiques les plus pénibles de leur culte, n'ont pas obéi avec la même docilité à l'interdiction qui leur est faite du chant et des instruments de musique. En effet, on n'a pas de peine à concevoir les raisons qui ont pu déterminer le législateur des Arabes à condamner absolument le vin, les jeux, à l'exception des échecs, qui sont, selon les théologiens musulmans, le seul jeu légitime, mais, fidèles observateurs de la tradition, les Turcs jouent avec des pièces toutes unies, la danse, mais pourquoi comprendre dans cet anathème la musique, cet art de la nature, le premier et, peut-être, le plus beau qu'aient cultivé les hommes, cet art à qui nous devons celui de la poésie, si toutefois la poésie peut se séparer de la musique et en est réellement distincte? On n'entend jamais dans les mosquées ni chant ni musique. Le chant n'entre dans aucun exercice de la religion. Toutefois, le chant et la musique sont admis dans les cérémonies particulières de quelques ordres de derviches. Tableau de l'Empire ottoman, tome 5, page 423. Les premiers sages furent des musiciens. Leurs chants harmonieux annoncèrent aux hommes le culte de Dieu. La belle allégorie qui nous représente Orphée commandant à la nature par les sons de sa lyre nous montre ce que les anciens pensaient de la musique. On attribue à Orphée cette formule de prière, « Marcher dans la voie de la justice, adorer le seul maître de l'univers, il est un, il est seul par lui-même, tous les êtres lui doivent leur existence, il agit dans eux et par eux, il voit tout, et jamais il n'a été vu des gens mortels. » Fin de la note. Deuxièmement, il faut éloigner ses yeux des choses dont la vue est prohibée. Il est défendu à tout fidèle, de quelque sexe qu'il soit, de regarder du nombril aux genoux les hommes. Il est défendu à la femme de regarder, du nombril au genou, une personne de son sexe. Il est également défendu aux fidèles du sexe masculin de regarder, du nombril au genou les femmes pour lesquelles il est mahrem, il ne doit pas même en regarder le dos et le ventre. Les femmes pour lesquelles on est mahrem sont, la fille, la petite fille, la mère, l'aïeule, la sœur, la nièce, la tante, soit maternelle, soit paternelle, la belle-mère, la fille de la belle-mère, la mère nourrice, la sœur de lait. Note. C'est-à-dire, dit le commentateur turc, c'est à l'égard desquels on est à un degré de parenté qui interdit le mariage avec elle. Quant aux femmes autres que les susdites, le fidèle du sexe masculin ne peut, sans se rendre coupable, en regarder autre chose que le visage, la paume de la main et les pieds, qu'il soit dirigé par la passion ou non, que la femme soit belle ou laide, qu'elle soit jeune ou âgée, et que celui qui la regarde soit jeune ou vieux. Il est même défendu à tout fidèle de regarder avec passion une personne de quelque sexe qu'elle soit et quelque partie du corps que ce soit. La femme légitime et l'esclave sont exceptées des règles précédentes, Il est permis de les voir sans aucun voile. Note. C'est-à-dire l'esclave avec laquelle on cohabite, mais, lit-on dans le Coran, 24, 33, ne forcez point vos femmes esclaves à se prostituer pour un vil salaire, quand elles veulent vivre dans la chasteté. Si vous les y contraignez, Dieu leur pardonnera à cause de la violence que vous leur aurez faite. Fin de la note. On doit aussi s'abstenir de regarder, par les fentes des portes ou par un trou, dans l'intérieur de la maison de quelqu'un, ainsi que de regarder d'un œil de mépris les musulmans. Troisièmement, on doit éviter de mettre la main sur les choses qu'il est défendu de toucher, de frapper quelqu'un hors de propos, de s'emparer de la nourriture de qui que ce soit, de toucher sans nécessité ce qui est essentiellement immonde, comme un animal mort, des excréments humains, etc. Quatrièmement, quant au péché dont le ventre est l'instrument, il faut se garder de ce qui est défendu, blâmable et douteux. Lorsqu'on achète quelque chose à la mesure ou au poids, il n'est pas permis de le manger avant de l'avoir mesuré ou pesé. Cinquièmement, les péchés dont les parties sexuelles sont les instruments, péchés qu'il faut soigneusement éviter, sont la fornication, le péché contre nature, avoir commerce avec sa femme pendant le temps des infirmités périodiques, ainsi que pendant les couches, etc. Sixièmement, quant aux pieds, il faut se garder d'aller dans de mauvais lieux, d'entrer dans la propriété d'autrui sans sa permission, de donner sans sujet des coups de pied à quelqu'un, de gâter son tapis, sa natte, la couverture de sa selle ou autre chose à lui appartenante. Septièmement, enfin quant à la langue, on ne doit point mentir, il ne faut dire du mal de qui que ce soit, c'est-à-dire on ne doit point parler des défauts de quelqu'un en son absence, ne point le critiquer, etc., l'attaquer sur des défauts qu'il a, c'est une médisance, s'il ne les a pas, c'est une calomnie, ce qui est encore plus criminel. Il faut éviter soigneusement de se moquer de personne, de se louer soi-même, de dire des paroles obscènes, ce qui consiste à nommer par leur nom les choses honteuses, de molester ou de reprendre quelqu'un hors de propos, de violer un traité que l'on aurait fait, d'aller contre ses promesses, etc. Note. Pour comprendre ceci, il est bon de ne pas ignorer que, chez les musulmans, il n'est pas toujours nécessaire, comme ailleurs, de recourir à des écrits pour engager les citoyens les uns envers les autres, et assurer l'effet de leurs stipulations. On peut dire, à la louange des Ottomans, qu'en général ils sont esclaves de leurs paroles, qu'ils se feraient scrupule de tromper leur prochain, de trahir sa confiance, de profiter de sa candeur. Ce sentiment qui les guide envers leurs concitoyens est le même à l'égard des étrangers, à quelque religion qu'ils appartiennent. Tableau de l'Empire Ottoman, tome 4, page 309. Markemdan Archive.org 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.